Chapitre 9e. Le champion du macaron. Gabriel enleva de la main du garde la chaîne qui retenait le mouchoir, et il porta le tout dans le bureau du juge d'instruction. M. Urbain et le chef de la sûreté le suivaient, extrêmement saisis par cet événement et tout bouleversés. Ils trouvèrent Paulin Broquet assis tranquillement dans un fauteuil qui semblait rêver, les yeux au plafond. Comme Gabriel voulait lui donner des détails, il l'arrêta d'un geste. « Ça va bien, je m'en doute, je sais ce qui a dû se passer. » Alors, se levant, il vint devant le bureau de M. Urbain. « Monsieur le juge, j'affirmais tout à l'heure que j'étais un imbécile, je le répète. Je croyais avoir fait un beau coup, c'est à recommencer. Je croyais tenir l'assassin de la petite Bretonne et le complice des assassins de cette malheureuse Bianca, la danseuse du cirque moderne. C'est comme si je n'avais rien fait, monsieur le juge. » J'avais la bague aux aides de rubis qui a servi de base à mon enquête, qui devait être une des pièces à conviction les plus importantes. Je n'ai plus cette bague. On me l'a prise, chez moi, chez vous, dans mon coffre-fort, parfaitement. Si étrange que cela vous paraisse, je suis obligé d'en faire devant vous la déclaration. En somme, monsieur le juge, voici la situation. Un vol important a été commis au cirque, et deux assassinats sont venus se greffer sur ce premier délit. Nous avions un des assassins, le voleur de bijoux, et toutes les preuves qui justifiaient son arrestation. Aujourd'hui, le coupable est en fuite. Les preuves n'existent plus, et de toute cette affaire, il ne nous reste que deux mouchoirs, peut-être un seul, que voilà, car maintenant je ne suis plus sûr du tout de posséder chez moi le mouchoir pareil à celui-ci. Je ne suis plus sûr de rien. Je ne sais que dire. Je ne sais que faire. Je roule dans un trou. Paulin Broquet, nerveusement, fit quelques pas dans la pièce. Puis s'arrêtant devant son chef et le juge d'instruction, il dit « Je vous demande, messieurs, de continuer sans moi. Avec les moyens ordinaires que la police emploie en pareil cas, l'enquête de cette étrange affaire, faites comme si je ne pouvais m'en occuper. Je le sens. Pour le moment, je ne puis vous être d'aucun secours. Je dirai même plus, au contraire, je vous gênerai. » Le juge d'instruction voulut intervenir amicalement. « Voyons, mon cher Broquet, je ne vous reconnais pas. Ce n'est plus vous. » « Comment, dès les premiers pas, vous vous arrêtez ? Et parce que quelque chose claque, vous jetez le manche après la cognée ?» Mais Paulin Broquet répliqua, « Je vous en prie, n'insistez pas. » Il serra les mains que lui tendaient le juge d'instruction et M. Baumier, puis fit un signe à Gabriel et se retira promptement. « Il vaut mieux, dit le chef de la sûreté à M. Urbain, quand le détective fut sorti, il vaut mieux, quand il est comme ça, ne rien lui dire et le laisser agir à sa guise. Ne croyez pas qu'il abandonne, au contraire. » Il nous prépare une surprise, quelques coups à la Paulin Broquet. Silencieusement, Paulin Broquet, le front encore plus soucieux qu'en venant, refit le chemin par les longs couloirs qui du palais conduisent à la sûreté. Il entra dans le bureau qui lui était réservé, sans même paraître s'apercevoir que dans la pièce qui précédait ce bureau, des hommes à lui l'attendaient. Comme il en avait l'habitude, il alluma une cigarette et la tenant au coin de la bouche, il se mit à marcher de long en long dans son bureau. Gabriel, qui connaissait toutes les manies de son chef, tranquillement était allé s'asseoir dans un coin. Il l'attendait. Au bout d'un moment de promenade, et la cigarette à demi consumée, Paulin Broquet se décida à parler. Il se tourna vers Gabriel et brusquement lui dit « Tu as senti toi aussi, hein? Tu as reconnu le parfum de la femme rousse ?»« Oui, chef. » »« Nous ne pouvons par conséquent tous les deux nous tromper. » »« Non, chef. C'était bien le parfum de la casquette qui couvrait les cheveux d'or de chez Zulma. » Le parfum du mouchoir, le parfum de ma lutteuse, de la blessée de la place de Clichy. Oui, oui, c'est indiscutable. Alors il s'écria. Eh bien, ce parfum n'est pas à elle, ce n'est plus le sien. Comment cela, chef? La femme rousse. Je l'ai suivie en auto depuis la place de Clichy jusque chez elle, dans une mystérieuse villa de Boulogne. Bien, chef. J'ai vu un domestique nègre, un monstre noir, fermer derrière son auto la porte de la ville. Et moi, je suis venu de Boulogne ici directement. Ma pipe menait. Or, quand nous arrivons, quelques instants après, dans le couloir du juge, nous reconnaissons le parfum de la femme rousse dans ce couloir, autour du prisonnier, du marquis. Oui, chef. Et il est déjà venu dans ce couloir un moment avant, un jeune avocat qui s'est assis à côté d'un des gardes, qui a causé avec lui, qui a pris le temps de fumer une cigarette de tabac anglais, comme le jeune cavalier, tu t'en souviens, dans la forêt de Briailles, près d'Orléans. Oui, chef. Et ce jeune avocat qui est une femme, Gabriel demanda vivement. « Une femme? Vous croyez que c'est une femme? J'en suis sûr. » La prudence commandait à ses forbans d'employer une femme. En effet, les gardes auraient pu s'étonner de ne pas reconnaître un avocat d'un certain âge, tandis qu'un stagiaire, un nouveau, cela n'a rien de surprenant. Puis, un avocat depuis longtemps déjà dans la carrière aurait fait passer sa carte. Il aurait été reçu immédiatement par le juge, tandis que le jeune n'a pas osé le faire. Il s'est assis dans le couloir. Il a attendu, tu comprends? Oui, chef. C'est donc une femme. Or, ce pseudo-avocat, cette femme, a eu l'adresse de savoir l'heure à laquelle on amenait le marquis chez le juge. Elle a eu le temps de préparer l'évasion, de passer une robe d'avocat, d'arriver dans le couloir, peu après les gardes et leur homme, de jouer sa petite comédie, de fumer une cigarette. Elle a eu l'habileté de faire, sans qu'il s'en doutât, absorber au brave garde un narcotique puissant. Tu t'en souviens, j'ai fait la remarque. Au parfum de la femme rousse se mêlait un arôme inquiétant. Oui, chef. C'était du narcotique. Or, il est matériellement impossible que la femme rousse ait le temps et le moyen d'accomplir tout cela. Il est impossible qu'elle ait pu venir de Boulogne avant moi, qu'elle ait pu combiner et préparer, car le pseudo-avocat n'était pas seul, préparer ce coup hardi, qu'elle eut le loisir de jouer sa petite comédie de jeune avocat, de fumer une cigarette, et de délivrer le marquis, c'est absolument impossible. Je le crois. D'abord parce que le temps manquait, ensuite parce que la femme rousse est assez fortement blessée à la tête. Les gardes auraient remarqué son bandage. S'il avait compté sur ses cheveux pour cacher la plaie, cette finesse de cheveux eût également étonné les gardes. Or, ils n'ont rien vu d'anormal, ni plaie, ni bandage, ni cheveux excessifs, ni, il faut l'ajouter, beauté rare, puisqu'ils ont cru qu'ils avaient devant eux un jeune homme. Donc, ce n'est pas la femme rousse. Oui, vous avez raison. Ça ne peut pas être la femme rousse. Paulin Broquet, sur un ton interrogatif, s'écria « Alors ? Alors ?» Gabriel, évidemment, ne pouvait rien répondre à cette question de son chef. Désormais, le problème se posait complexe, curieux, passionnant, digne en un mot de la perspicacité, de l'ingéniosité du merveilleux détective, de l'étonnant déchiffreur d'énigmes qu'était Paulin Broquet. Mais, selon sa façon d'agir, Paulin Broquet, maintenant que le problème se trouvait énoncé, eut l'air de ne plus s'en soucier et d'attendre du dieu hasard la solution qu'il ne voulait plus se donner la peine de chercher. Peu après, il sortait de la sûreté, s'en allait flâner sur les quais, furetant dans les boîtes de bouquinistes. Puis, il grimpa dans un tramway et il fila dans la banlieue voir les pêcheurs à la ligne. Vers le soir, il revint chez lui. L'amorce l'y attendait. « Ah bien !» fit Paulin Broquet avec contentement. « As-tu quelque chose ?»« Oui, chef. Parle. » Évidemment, Paulin Broquet comptait sur les renseignements de son fin limier pour entreprendre une démarche quelconque. « Voilà, chef, » commença l'amorce. « Je suis allé à Boulogne. Pour la circonstance, je me suis fait marchand de corsage à crédit, occasion magnifique, pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Cela me permit de pénétrer dans les maisons du voisinage et dans les loges des concierges, chez les bonnes, à la cuisine et chez les maîtresses. Je m'en doute, tu as pris quelque chose? Ça n'a pas été commode. La femme qui habite la villa mystérieuse, notre femme rousse, Miss Hayden, mène une vie absolument retirée. On ne la voit jamais. Elle ne sort qu'en voiture, en auto. Elle ne fréquente personne. Jamais personne ne vient chez elle. Son personnel ne comporte que 3 ou 4 domestiques, dont un nègre colosse qui s'appelle Big. Ensuite, les domestiques ne sortent jamais et ne parlent ni français, ni anglais, ni allemand, ni aucune langue définie. Par conséquent, les domestiques du voisinage ne peuvent bavarder avec eux. Donc, tu ne sais rien. Attendez, chef. Voyant que de cette façon je n'obtiendrai rien et que mon truc de marchand de corsage ne me donnait aucun résultat, j'ai pensé qu'il fallait agir autrement. En somme, chef, vous vouliez connaître la villa et ce qui se passait dedans, de préférence au cancan des voisins. Parbleu. Alors je suis entré dans la villa. Ah, tu es entré? Par-dessus le mur, en escalade? Non, par la grande porte. J'ai pris avec moi Simon, ma pipe, et nous avons joué les électriciens. J'ai ouvert la prise de courant de l'îlot dans lequel se trouve la villa. J'ai, avec un morceau de fer jeté sur les câbles, causé un beau court-circuit, qui a privé de lumière quelques villas dont celle qui nous intéresse. Et cela vers 5 heures, au moment où Miss Hayden s'apprête à dîner, car elle dîne de bonne heure, pour pouvoir au cirque travailler plus facilement. Naturellement, quand après quelques instants d'affolement dans le noir, nous nous sommes présentés à la villa pour demander si on avait de la lumière, malgré l'accident, on nous a reçus avec empressement. C'est bien. Après, Qu'est-ce que tu as vu ? Chef, à vrai dire, pas grand-chose. La villa par elle-même est pareille à toutes celles qui l'entourent. Elle est fort coquettement meublée. J'ai vu Miss Eden étendue dans un salon, sur une chaise longue, paraissant souffrante, la tête enveloppée. Oui, elle est blessée. Continue. C'est le nègre colosse, Big, qui me conduisait à travers les pièces. Il ne me quittait pas de son œil, et si j'avais essayé de faire autre chose que ce que mon métier d'électricien me commandait, ce terrible Big m'eût écrasé d'un coup de poing. Ah, la maison est bien gardée. Ne t'arrête pas, ensuite. Maintenant, je connais parfaitement les êtres de la maison, et je pourrai vous y conduire quand cela sera nécessaire. Nous verrons ça, après. Une chose dans tout cela m'étonnait. Sous cette apparence de villa tranquille, semblable aux autres, je crois qu'elle est machinée comme un théâtre. Ah, où as-tu vu ça ? À elle seule, la villa prend sur l'embranchement du quartier trois dérivations très puissantes, de quoi alimenter plusieurs immeubles énormes. Il y a trois compteurs indépendants, un pour la maison même, deux autres séparés dont on ne m'a pas donné la désignation de service. Je les ai vus également, j'ai vérifié les plombs. J'ai vu les câbles d'arrivée et de départ des fils de distribution, mais c'est tout ce que j'ai pu voir. Cependant, j'ai pu remarquer qu'un des compteurs semblait alimenter une sorte de pavillon de verre qui se trouve accolé à la villa et forme, comme une serre pleine de fleurs, d'arbustes, un jardin d'hiver. De l'autre compteur partent des fils qui s'enfoncent dans le mur, et derrière ce mur il n'y a rien. D'où j'ai conclu que les fils disparaissaient dans l'épaisseur du mur et continuaient sous terre. Ceux-là vont dans le jardin, et je ne crois pas me tromper en disant qu'ils doivent alimenter quelques systèmes de garde dispersés dans le parc, sur les murs, près des portes. Possible, et puis ? C'est tout, chef. C'est tout ce que j'ai pu recueillir comme renseignement. Bien. Le premier soir où Miss Eden paraîtra au cirque, tu m'accompagneras chez elle. Dans la villa ? Oui. Vous avez l'intention de la visiter ? Il le faut. En cachette. Bien entendu, tu me guideras. Ma pipe et Simon se trouveront aux environs. Gabriel conduira l'auto. Nous irons voir ce qui se passe chez elle, pendant qu'on l'applaudira au cirque. Mais blessée comme elle est, je ne crois pas qu'elle puisse paraître en scène avant quelques jours. Cependant, dès ce soir, nous irons au cirque. Bien, chef. Dans la soirée, Paulin Broquet, mais sans déguisement, en tenue de ville, en jaquette simplement, en Paulin Broquet de la vie courante, assista à la représentation comme spectateur, en tant qu'amateur, des exercices de corps, de force et d'adresse. Il occupait généralement un fauteuil près de l'entrée des coulisses. Il connaissait tout le monde, et de tout le personnel, il était connu. Simon, un de ses lieutenants, se trouvait aussi dans la salle. Comme Simon autrefois avait été clown, il avait gardé des relations avec quelques anciens camarades de piste. Bien entendu, nul ne se doutait de la profession actuelle de l'ancien clown. On le croyait retiré du cirque et propriétaire d'un magasin de papier peint dans une rue des environs de la Madeleine. On savait seulement qu'il avait connu Paulin Broquet autrefois, quand il était clown, et qu'il avait gardé avec lui de bons rapports, comme maintenant Eugénio et quelques artistes du cirque moderne. On ne pouvait donc trouver étonnant que Paulin Broquet et Simon, au hasard de la promenade dans les couloirs du cirque, vinssent à faire un brin de causette, à parler force, lutte, saut et enlèvement de poids. À leur conversation, parfois, se mêlait un clown, Fungetti, qui était un des plus goûtés du cirque moderne et dont Paulin Broquet admirait la souplesse, la force, l'ingéniosité. Ce Fungetti s'était trouvé autrefois en troupe avec Simon, et à l'étranger, il avait également plusieurs fois rencontré Miss Eden. C'était un des rares artistes avec qui Miss Eden, au demeurant charmante avec tout le monde, s'arrêtait avant de paraître en piste, ou dans la journée pour bavarder assez longuement en vieux camarade. Ce Fungetti ne manquait pas d'instruction. On le sentait de race supérieure à celle de ses compagnons de piste. Il était non seulement correct, mais élégant et distingué à la ville autant que clown en piste. On disait qu'il était de très grande famille, qu'au jeu il avait perdu sa fortune et que l'amour des chevaux et des écuyères l'avait engagé à employer sa force, son adresse, son habileté aux exercices du corps pour entrer dans le cirque et mener une vie qui plaisait à son tempérament. Ce Fungetti, outre sa force remarquable, sa gaieté qui plaisait aux enfants, avait un talent dont il se montrait plus que tout extraordinairement fier. Il faisait admirablement la cuisine, et il prétendait que personne au monde ne réussissait le macaroni comme lui. Très sérieusement, il affirmait que le roi d'Italie avait tenu à goûter un de ses macaronis et que ce plat national préparé par lui, présenté sur la table royale, avait laissé dans la mémoire du roi et de la reine un ineffaçable souvenir. La grande joie de Funghetti était d'avoir un ou deux camarades à déjeuner et de leur confectionner un plat de cuisine italienne, la première du monde, déclara-t-il, celle qui arrive aussitôt après celle du ciel, puisque le représentant de l'Éternel s'en régale tous les jours. C'était une opinion. Simon, à vrai dire, avait plusieurs fois déjà été déjeuner chez son ancien camarade de piste, et il s'en déclarait enchanté. Mais avoir Simon ne suffisait pas à l'ambition culinaire de Funghetti. Il aurait voulu que Paulin Broquet, qui souvent lui faisait compliment après ses tours de piste, lui donna également son appréciation sur un plat de macaroni. Mais, discret, il n'osait faire lui-même l'invitation au grand détective pour qui il professait une admiration sans bornes. Il avait bien engagé Simon à le faire pour lui, mais Simon ne se reconnaissait pas assez lié avec Paulin Broquet pour la transmettre. L'ancien clown disait à Funghetti que pour ne pas courir les risques d'un refus, il fallait attendre une occasion, un hasard, qui fatalement se produirait un jour ou l'autre, comme toute chose dans la vie. Et Funghetti attendait, tenant toujours fraîche la réserve de macaroni, de tomates siciliennes et de parmesan. Il va sans dire que Simon, depuis longtemps, avait fait part à son chef du singulier désir de Funghetti de lui faire goûter son macaroni. « Quelle drôle d'idée !» fit Paulin Broquet. « Pourquoi tient-il tant que cela à ce que je mange de sa cuisine ?» Soupçonneux comme il l'était, le détective chercha pour quelle raison ce clown tenait tant que cela à lui faire cette singulière politesse. Toutefois, il ne refusa pas de l'accepter, mais il se réservait de donner sa réponse quand le moment lui semblerait opportun. Ce moment ne semblait pas venir encore. Cette affaire qui révolutionnait le cirque, le vol des diamants de Messiden et de l'écuyer Rosa de la Huerte, l'assassinat de la petite Bretonne, et enfin l'accident de cette malheureuse Bianca, mirent tout le cirque en émoi et devaient, quelques jours durant, écarter de l'esprit de l'artiste toute idée de festin ou macaroni. Ce soir donc, on ne parla pas de cela, et l'on s'entretint seulement de ces tristes événements. La première partie du programme était épuisée. Pendant l'entracte, Paulin Broquet était allé faire un tour au foyer. Il cherchait du regard Miss Hayden, ne comptant pas la voir cependant. Miss Hayden figurait néanmoins au programme imprimé pour la semaine. Paulin Broquet savait Miss Hayden trop souffrante pour pouvoir paraître. L'amorce lui avait encore, dans la soirée, dit que la merveilleuse femme reposait, accablée, malade, chez elle. Il était certain qu'elle ne viendrait même pas au cirque. Pendant l'entracte, on ne parla point de Miss Hayden. Par discrétion, par prudence, Paulin Broquet n'osa pas, même à Eugenio, demander s'il était venu. Cependant, la deuxième partie dans laquelle figurait Miss Hayden allait commencer, et le régisseur Eugenio ne faisait pas comme il était de règle. L'annonce de la modification du programme ne prévenait pas le public de l'absence de la merveilleuse gymnasiarque. Paulin Broquet, qui attendait cette annonce pour savoir s'il devait ou non assister à la fin du spectacle, ne regagna pas tout de suite son fauteuil. Il fit bien, car l'orchestre entamait à peine le morceau d'ouverture que par l'escalier, le fameux escalier au duquel veillait Madame Frisette, Miss Hayden apparut, enveloppée de la tête aux pieds dans un grand plaid. Paulin Broquet tressaillit. Mais il fit comme s'il n'avait pas aperçu Miss Hayden, qui passa tout près de lui et se réfugia dans le foyer des artistes qui doivent rentrer en piste. Alors Paulin Broquet ne perdit pas une seconde. Habilement, il fila sans rien dire à personne, sans laisser soupçonner son départ. Son auto stationnait à quelques pas du cirque avec Gabriel au volant. Dans l'intérieur se trouvaient l'amorce et Mapip. Paulin pénétra dans l'auto. Comme Gabriel embrayait, Simon sauta sur le siège et la voiture partit à bonne allure. Quelques minutes après, elle arrivait au bout de la rue silencieuse et déserte dans laquelle se trouvait la villa de l'énigmatique Miss Hayden. Paulin Broquet et ses hommes sautèrent de l'auto. Simon et Mapip allèrent se poster aux angles opposés des murs, pendant que Paulin Broquet et l'amorce s'apprêtaient à pénétrer dans cette villa mystérieuse.